Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gent perdue. Justice a mû mon sublime artisan, puissance divine m'a faite, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel. Et moi, je dure éternellement, vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi je dis, Maître, leur sens m'est dur. Et lui, à moi, en homme qui savait mes pensées, ici il convient de laisser tout soupçon, toute lâcheté ici doit être morte. Nous sommes venus au lieu que j'ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le lien, le bien de l'intellect. Et après avoir mis sa main dans la mienne, avec un visage gai qui me réconforta, il me découvrit les choses secrètes. Là, pleurs, soupirs et hautes plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles. Ce qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix forte, rauque, bruit de main avec elle, faisaient un fracas tournoyant, toujours, dans cet air éternellement sombre, comme le sable où souffle un tourbillon. Et moi, qui avais la tête entourée d'ombre, je dis, Maître, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'entends? Qui sont ces gens si défaits de souffrance? Et lui, à moi, cet état misérable est celui des méchantes âmes des humains qui vécurent sans infamie et sans louange. Ils sont mêlés au mauvais cœur des anges, qui ne furent ni rebelles à Dieu, ni fidèles. Et qui ne furent que pour eux-mêmes. Les cieux les chassent pour n'être pas moins beaux, et le profond enfer ne veut pas d'eux, car les damnés en auraient plus de gloire. Et moi, maître, quel est le poids qui les fait se plaindre si fort? Et moi, Maître, quel est le poids qui les fait se plaindre si fort? Il répondit, Je vais te dire en quelques mots. Ceux-ci n'ont pas espoir de mort, et leur vie aveugle est si basse que tout autre sort leur fait envie. Le monde ne laisse pas de renommée pour eux, miséricorde et justice les méprisent. Ne parlons pas d'eux, mais regarde. Et passe. Et moi, qui regardais, j'aperçus une enseigne qui, en tournant, courait si vite qu'elle semblait indigne de repos. Et derrière, elle venait si grande foule d'humains que je n'aurais pas cru que mort en eût défait autant. Après que j'en eus reconnu quelques-uns, je vis et reconnus l'ombre de celui-là qui fit, par lâcheté, le grand refus. Aussitôt, je compris, et je fus certain que c'était bien la secte des mauvais qui déplaise à Dieu comme à ses ennemis. Ces malheureux qui n'ont jamais été vivants étaient nus et harcelés sans cesse par des mouches et des guêpes qui étaient près d'eux et leur rayaient le visage de sang. Qui mêlent des pleurs tombés à leurs pieds, ou le recueillaient des vers immondes. Et comme je regardais au-delà, je vis des gens sur le bord d'un grand fleuve, alors je dis, Maître, promets-moi à présent de savoir qui ils sont. Maître, Permets-moi à présent de savoir qui ils sont et quelle étrange loi les a fait sembler si pressés de passer. Comme on discerne à ce peu de clarté. Et lui à moi. Ces choses te seront claires quand nous arrêterons nos pas à la triste rivière d'Achéron. Alors, les yeux baissés, honteux, craignant que mes paroles ne lui pèsent, je m'abstins de parler jusqu'au fleuve. Et voici, s'avançait vers nous, dans un bateau, un vieillard blanc d'antique poil, criant « Malheur à vous, âme méchante ! N'espérez pas voir un jour le ciel. Je viens pour vous amener à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, en chaud et gel, et toi qui es ici, âme vivante, va-t'en loin de ceux-ci, qui sont tous morts. Mais comme il vit que je ne partais pas, il dit, par d'autres voies, par d'autres ports, tu viendras au rivage. Non, ici pour passer, il faudrait que te porte un bateau plus léger. Mon guide alors lui dit, Caron, ne te démène pas. On veut ainsi, là où on peut, ce que l'on veut, et ne demande pas davantage. Je vis alors s'apaiser les joues laineuses du nocher du marais infernal, qui avait autour des yeux des roues de flamme. Mais ces ombres qui étaient lasses et nues changèrent de couleur et claquèrent des dents dès qu'elles entendirent ces mots cruels. Elles blasphémaient Dieu et leurs parents, l'espèce humaine et le lieu et le germe de leur naissance et de leur lignée. Puis elles s'amassèrent tout ensemble en pleurant fort sur la rive mauvaise qui entend les humains qui ne craignent pas Dieu. Caron, le diable aux yeux de braise, les recueillit toutes et leur fait signe, battant avec sa rame celle qui s'attarde. Comme en automne, les feuilles s'envolent l'une après l'autre, jusqu'au temps où la branche a mis à terre toutes ses dépouilles. Pareillement, les semences d'Adam se jettent du rivage, âme après âme, comme des oiseaux, par signe à son appel. Elles s'en vont ainsi sur l'eau brune, et qu'elles descendent sur l'autre rive, une nouvelle troupe encore s'assemble sur celle-ci. Ceux qui meurent dans la colère de Dieu arrivent ici de tout pays, et ils sont prêts à traverser le fleuve, car la divine justice les presse. Et leur peur se change en désir. Par ici ne passe jamais une âme bonne, et si Caron se plaint de toi, tu comprends à présent quel est son dire. Quand il eut achevé, la campagne noire trembla si fort que la mémoire de ce moment me baigne encore le corps de sueur. La terre, en larmes, donna un vent d'où surgit une lumière vermeille, laquelle vainquit tous mes esprits. Et je tombai comme celui qui succombe au sommeil.